les accords. C'est tout dans la tête alors. J'étais avec un capot alors. Bon, on va faire. Un La mineur. La mineur. Tu fais un La. Un Do. Je vais te les écrire peut-être, non? Tu préfères en lettres ou. Ça craque. J'enlève la batterie, il y a un batteur là, non? Faut me le dire, hein? J'ai entendu un. Qui c'est qui est pas calé? Qui c'est qui est pas calé, Sharon? Mais moi je joue pas, moi. Batterie, elle est bien calée là. Elle est pas calée ma batterie. Attends, c'est bizarre hein, parce que chez moi ça. On va demander aux autres. Hein. Des fois ça peut venir de bizarre. Moi chez moi, pile poil sur le métronome. Le clavier il est bien calé sur ma batterie là sur moi. Ça fait Holborn. Il est impeccable. Et toi aussi t'es carré sur le truc hein, chez moi. T'es carré chez moi. Alors. Thank you. déconne. Hein. C'est mignon ce petit...